dépend à quelle heure vous écoutez cet audio. Il s'agit d'une audio de relaxation. Je vous propose de vous mettre dans un endroit calme. Le mieux serait allongé. Et de trouver la meilleure position possible. Je vous propose de prendre deux grandes inspirations. Chassez les mauvaises pensées qui peuvent vous traverser l'esprit. Pliez les tracas de la journée. Essayez de penser au moment présent et de vous détendre au maximum. Prenez conscience de vos doigts de pied et essayez de les détendre. Puis de vos pieds, détendez-les un maximum. Prenez la meilleure position possible. Puis de vos volets. Détendez-les également. De vos jambes. Et de vos fessiers. Concentrez-vous sur la main du dos. Essayez de tenir une position la plus confortable possible. Pas à l'aise, essayez de vous remplacer de manière à être le plus à l'aise possible. Concentrez-vous sur le haut du dos et décontractez-le. Vos épaules, vos bras, décontractez-les. Vos mains, vos doigts. Tout doit être totalement apaisé et décontracté. Concentrez-vous sur votre visage. Essayez de détendre votre visage. Et si ce n'est pas déjà fait, fermez les yeux. Fermez les yeux maintenant. plus amour. Voilà ce qui doit traverser votre esprit. Je vous souhaite d'accompagner ce sommeil avec un beau rêve. Vous vivrez une aventure merveilleuse. Dans un endroit de votre choix, que votre inconscient aura choisi pour vous. Essayez de penser au mot détente, dormir. Pensez à des choses agréables, des choses qui vous font plaisir. Ne pensez pas au tracas. Détendez votre esprit. ser amor. Amor do hoje e dos seguros em mim. Que des images traversent notre esprit. Pensez à des choses agréables. Vous êtes bien détendu et que vous êtes sur le point de vous endormir. N'hésitez pas à repasser cette vidéo. C'est tout du monde.